Paul, qui les relie aux égrégores. La croix gammée, la Svatica, la croix en C, la corne d'abondance. Du moment que vous achetez un symbole qui a appartenu à l'histoire humaine, bien, en le mettant, vous vous reliez immédiatement à ces égrégores-là. Puis quand quelqu'un dit « Oui, mais si on est assez fort, bien, si on est assez fort, on est assez fort pour le mettre. » Mais comme on n'est pas assez fort pour le mettre quand même, on a beau se mentaliser, on va se faire avancer. Mais est-ce que ça a un lien direct avec la sécurité reliée à l'humain? C'est-à-dire que ce qui arrive, c'est que l'astral, ce qu'il fait, on parlait de l'ego dans la prochaine conférence, mais l'astral, il y a un canal ici qui s'appelle le canal réincarnationnel. Bon, lui, il est connecté à un autre canal qui s'appelle l'ajusteur de pensée chez l'être humain normal. Alors ici, on a l'âme avec l'ego à l'intérieur. Puis, à un certain moment donné, il se déconnecte pour aller fouiner ailleurs. Ça amène de l'information sans arrêt à l'homme, à la femme ou à l'enfant. C'est-à-dire que ça se réincarne 24 heures sur 24, en petit bout ou en gros bout, et ça crée une stimulation de la vie. Si, par contre, l'humain, par différentes mécaniques, l'intelligence, la vie, etc., ne veut pas nourrir émotivement, donc retourner de l'énergie dans l'égrégore, on va couper la source. Coupant la source, en dedans, il y a un effondrement. C'est une insécurité majeure, culpabilité et tout ce que tu voudras. Et nécessairement, si tu n'es plus nourri, progressivement, ton ego se défait lentement et les parties qui vont apparaître sont les premières parties qui ont été créées. Puis c'est normalement des parties les plus noires de l'homme. Donc, tu peux parler d'enfer ou de Satan, etc. Bref, tu lâches Dieu, t'as un problème, quel que soit le Dieu. Tant que tu n'es pas suffisamment conscient pour être capable de t'organiser, c'est-à-dire d'avoir au minimum un ajusteur de pensée qui est opérationnel. Alors, effectivement, ça crée... Quand l'astral est présent, on va dire bénéfiquement, même à travers le malheur qu'il donne à l'homme, ça ne crée pas de sécurité, c'est qu'il vient ôter l'insécurité. C'est uniquement une question de différence de potentiel. Je te pique avec une aiguille, tu charges, je te pique avec 25 aiguilles, tu gueules, j'ôte 24 aiguilles, tu es content. Maintenant, je te pique encore avec une, mais là, tu es content. Tandis qu'avant, tu ne l'étais pas. C'est ce que les religions, les égrégores, pas les religions, tous les égrégores, politiques, les familiaux, etc. font. Mais toutes les égrégores, on peut dire que c'est des religions, finalement. À cause de... Il y a toute une mécanique de tradition qui est là pour sa survie. Par exemple, la politique. On prend le hockey. Oui, mais là, c'est ça. Non, c'est pas parce que la religion est conçue comme un égrégore que les égrégores sont des religions. La religion, ce n'est pas typique d'une religion que d'avoir un rituel. L'ego humain, l'âme humaine, c'est un petit égrégore. Avec un ego, qui soit l'ego, qui soit le moi, le Pierre, le Martin, le Jocelyn, le Monique, etc. Maintenant, ce qui arrive là-dedans, c'est que dans ton égrégore, tu as des lois. Dans l'égrégore humain, tu as les mêmes lois. Et ces lois-là vont faire en sorte que tu auras des rituels au niveau des gros égrégores et l'humain aura des habitudes. L'humain se sent sécurisé si chaque matin il se lève de la même façon, fait ses petites babelles, etc., prend son petit café, sa petite toast. C'est un rituel. Et l'humain n'est pas une religion. Mais l'humain étant lui-même assujetti à l'astral, fonctionne de la même façon pour arriver à se sécuriser. Nécessairement, Dieu est totalement insécure, quelles que soient les religions, les divinités astrales, ils sont totalement insécures quand l'homme ne nourrit pas. Donc, il faut que l'humain prie, que l'humain fasse ses rituels obligatoirement. Comme l'humain, l'homme en a besoin. Alors, les religions sont des égrégores. Les égrégores ne sont pas des religions. Les partis politiques sont des égrégores, ce ne sont pas des religions. La différence avec la religion, simplement, c'est que l'égrégore convainc l'homme, la femme et l'enfant de suivre les mécaniques de l'égrégore. Ah, parce que ça dit « je vais te sauver ». Évidemment, c'est des promesses de politiciens, ça ne sauve jamais rien. Mais les égrégores ont besoin des hommes, des humains, mais un humain, est-ce que c'est possible pour lui de vivre sans égrégore, sans être lié à un égrégore, à aucun égrégore? Bon, l'être humain qui a suffisamment de conscience, oui. L'égrégore, c'est... Bon, l'homme, la femme, l'enfant sont les créateurs. Dieu a été créé à l'image et à la ressemblance de l'homme par l'homme. Et les religions puis les contextes astraux que l'humain a connus dans le passé, les dieux de guerre, de vengeance, les dieux avec des armées, étaient le reflet de l'expérience historique de l'humain. Et c'est continuellement comme ça. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui s'attendent à voir arriver Dieu dans une soucoupe volante. C'est-à-dire de voir arriver dans un véhicule matériel. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est une coloration astrale, vu que maintenant, on se remet dans un véhicule matériel, puis qu'à l'époque, on ne pouvait pas. On avait une trois chevaux, puis déjà là, on faisait notre petite noble, là. Hein, trois chevaux qui traînaient... une affaire qui roule un petit peu. L'être humain, toujours, tout le temps, l'être humain est associé à l'astral, mais l'humain se sert de l'astral comme des béquilles. Alors, les béquilles ont besoin de l'humain. Bon, les béquilles se nourrissent de l'énergie émotive de l'homme, de la femme et de l'enfant. De ce fait, les humains doivent souffrir. Ils doivent être heureux, perdre tout, remonter, perdre tout. On les fait remonter parce qu'ils mourraient sans ça. Alors, on en donne un peu, on leur en donne, on leur en donne, etc. Tout au long de sa vie, tant qu'il est relié aux égrégores, c'est un cheminement archangélique d'évolution. Maintenant, l'être humain qui se promène avec ses béquilles, et qui en a plus besoin, bien, tant qu'il est sûr qu'il en a besoin, autrui pas, il ne pourra plus marcher. Donc, de ce fait, oui, l'homme a besoin des égrégores, donc de l'astral, des religions, etc. Par exemple, d'être reconnu par autrui, ça veut dire quoi? Bien, d'être quelque part dans un égrégore. Être dans l'égrégore de la gang, du groupe, de la nation, des médecins et des camionneurs. Puis si l'humain est suffisamment conscient pour être capable de se rendre compte qu'il n'en a pas besoin, qu'il peut marcher sans ses béquilles, il va pouvoir s'en libérer. Oui, mais dès qu'on porte un vêtement, on est dans un égrégore. On est dans l'égrégore des occidentaux. Dès qu'on mange une certaine sorte de nourriture, on est dans un égrégore. Il faut bien manger. Oui, mais c'est pas parce que t'as peur de béquilles dans ta valise d'auto que tu t'en sers. Par exemple. Ah, OK, mais ça... Tu vois une personne qui n'a pas de besoin de béquilles, qui marche avec ses béquilles, c'est un handicapé. Bon, toi, tu prends les béquilles et tu t'en sers pour te défendre contre l'attaque d'un chien. T'es pas un handicapé. Ah, mais je me sers des béquilles, moi aussi. T'es pas un handicapé. Vous deux, vous servez des béquilles. Il y en a un qui n'est pas handicapé parce qu'il s'en sert pour d'autres choses. Il a pas la conscience de l'handicapé. L'autre est un handicapé, béquille, pas béquille. Pourquoi? Parce qu'il y a temps pour ses béquilles pour pouvoir bouger. Alors, c'est évident que lorsque l'homme, la femme ou l'enfant comprend la mécanique des égrégores, juste le fait que sur votre baptistère soit écrit Marie, etc., pour les femmes, pour bien vous connecter à l'égrégore catholique, ou Joseph, etc., pour les hommes, pour bien les connecter là, quand l'humain comprend cette mécanique-là, il va maintenant être capable d'utiliser la forme de l'astral pour l'expression de son intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas décider de porter un vêtement qui est ajusté à une onde, à une onde de forme, à un égrégore supérieur dans l'expérience de l'homme, et tu vas, attirer des mémoires expérientielles reliées à cette expérience-là. Donc, plus tu vas t'habiller riche, sobre, donc pas parvenu, pas snob, plus tu vas t'habiller convenablement, plus tu vas attirer des mémoires d'expériences d'individus, donc de l'astral, qui vont être attirées par la présence de ton symbole, ta croix, ta casquette ou ton vêtement. Et si tu ne te laisses pas digérer par ce qui arrive, donc si tu ne te prends pas au sérieux, tu vas progressivement être capable d'utiliser l'expérience mémorielle des individus qui ont tendance à se réincarner. Donc, progressivement, tu seras capable de faire un meilleur placement. Tu vas commencer à gérer mieux ta matière, à gérer mieux ton temps si tu es quelqu'un d'intelligent. Et donc, tu vas acquérir l'expérience d'une personne qui a vécu dans le passé. Ce que dit Annie, c'est que nécessairement, en vivant, on est dans n'importe quel égrégore, quoi qu'on fasse. Sauf que, moi, ce que je pense, c'est que c'est une question d'énergie, d'attitude. Je peux accomplir quelque chose qui fait que j'étais comme si j'étais dans l'égrégore, mais finalement, je ne suis pas dedans à cause que, énergétiquement, je ne suis pas dedans. C'est ça, je ne suis pas manipulé. Tu joues avec l'égrégore. C'est important à comprendre, tout le monde. C'est pas parce qu'on explique les égrégores que l'humain doit tout faire pour tomber puis se faire embarquer dans l'égrégore de ceux qui veulent être dans aucun égrégore. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les égrégores, ce sont des mécaniques. Bon. Une automobile, c'est très utile quand tu es en arrière du volant. Quand tu es en avant du pare-choc, ça peut créer des problèmes. Bon. Alors, c'est la même chose. L'humain qui a de l'intelligence, il ne rejette pas les mécaniques. Il va utiliser les mécaniques. Il va s'en servir. Ben oui. Bon, l'eau, c'est tellement violent, cette rivière-là, que ça fait trois moutons qui se noient. À un moment donné, on met un barrage ou on fait quelque chose, on s'en sert pour moudre son blé. On a su assujettir des mécaniques. Comprenant la mécanique, l'humain qui recueille de l'intelligence, qui est suffisamment centré dans sa créativité, va s'en servir. Au niveau de l'astral, ce sera la même chose pour les guérisons, ce sera la même chose pour bien dormir, ce sera la même chose pour apprendre sans lire ou sans vivre un paquet d'expériences néfastes. Ben, on va être capable d'apprendre des résultats à partir de ceux qui ont déjà vécu ça. Ça, on va être capable de se connaître plus rapidement parce qu'on va être capable d'aller voir nos filiations réincarnationnelles parce qu'on connaît la mécanique. On va être capable d'éduquer un enfant beaucoup mieux pour qu'il vive une adolescence douce, pour qu'il reste lui-même en s'en allant, en utilisant la forme des égrégores pour son bénéfice plutôt que lui d'être le véhicule alimentaire de l'astral. Donc l'astral, c'est pas mauvais. Il n'y a rien de mauvais. C'est de l'énergie, il faut savoir s'en servir. Ben, c'est la bombe nucléaire, c'est un problème. Puis ça ne l'est pas. C'est la même chose pour l'astral. Le gros de la problématique au niveau de l'astral, c'est que l'astral est une mécanique qui n'a pas de conscience, mais qui a de l'expérience. Si on donne 30 millions d'années d'expérience mémorielle à un ordinateur, il va agir comme un être humain royalement sage. Il va pouvoir décider, faire des choix apparemment, contrôler, réparer, innover, il va s'amuser. Tout ce qu'il y a, c'est de l'expérience. Il n'y a pas d'intelligence. Il y a suffisamment d'expérience pour combler son manque d'intelligence. L'astral, au départ, ne demande rien. L'homme et l'astral sont de connivence. L'astral, c'est pas un rapace qui est arrivé pour ramasser l'homme. Mais progressivement, l'astral a plus d'expérience que l'homme. L'astral a des milliers d'années d'expérience à travers des milliards d'êtres humains. Et progressivement, avec des dons séparés par des égrégores, et progressivement, l'astral va commencer, elle, par son expérience, à agir en fonction de ses propres besoins, comme l'ego humain va le faire. Mm-hmm. L'astral devient égocentrique, c'est-à-dire que les égrégores deviennent égocentriques, et ils vont tout faire pour manipuler l'humain à les servir. Comme l'humain est relié à l'astral, l'astral connaît donc bien l'humain. L'humain est culpabilisable. Dieu aussi. L'humain est épeurable. Mais Dieu aussi. Là, ils ont fait des menaces, puis là, ça marche. L'humain peut être jaloux, mais Dieu aussi. L'humain peut être malheureux, Dieu aussi. C'est très, très connu, ça. Tu sais, tu crées du malheur au petit Jésus. Après 2000 ans, il a commencé à être grand. Et tout ce que l'humain vit, l'astral le vit. Mais quand même, le petit Jésus, là, dans l'égrégore, s'est amélioré. C'est-à-dire que oui, tu peux y faire de la peine, mais il ne peut pas être jaloux. C'est rare. J'ai jamais entendu parler que le petit Jésus peut être jaloux. Alors, est-ce que, comme c'est l'homme qui crée ça, c'est l'homme qui s'améliore à ce moment-là? Non, parce que le petit Jésus, c'est un égrégore qui est arrivé seulement il y a 2000 ans. Et qui a été béatifié surtout par ceux qui aimaient les enfants. Donc, l'égrégore est resté très coloré, mais relativement beau. Mais on peut parler, ça dépend toujours évidemment de... Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé des mémoires akashiques, les mémoires des événements. Mais dans l'astral, on va dire 1% des mémoires événementielles de l'astral sont les mémoires de l'événement. Le reste, ce sont les mémoires de tout ce que les gens ont pensé de l'événement. Alors, ça veut dire qu'une personne fait un voyage astral, il va voir le Nazaréen lorsqu'il a 12 ans, puis il va voir un Nazaréen en train de fumer du pot dans le fin fond de la cour à moutons. Parce que lui, ça donne qu'il est allé dans un égrégore de gens qui ont parlé contre. Alors il va dire, oui, mais je l'ai vu, là, je le sais comment c'était. Lui, maintenant, il nourrit cet égrégore-là. Donc, plus il y a des gens qui vont y aller, plus le Nazaréen va devenir noir. Et par contre, plus il y a de gens qui vont parler en bien, plus il y a de gens qui voyageant n'importe où vont se ramasser dans des différents égrégores du Nazaréen. Il y en a qui vont le voir les cheveux longs, d'autres les cheveux courts, d'autres avec des femmes, d'autres pas de femmes, d'autres homosexuels, d'autres hétéros, d'autres pas de sexualité du tout. Et tout ça, pour l'individu qui voyage, c'est vrai. Et ça, c'est à partir du fait que si moi j'ai une idée, à cause de tout mon conditionnement, j'ai une idée, de, par exemple, de Jésus, là, je crée ça dans la pensée, dans l'astral, et puis là, ça devient une forme qui peut être nourrie par un autre, et puis là, ça forme l'égrégore que... Okay. Il faut que des milliers de personnes les nourrissent. Bon, mais c'est ce qui arrive à la longue. On finit par avoir des égrégores qui sont très, très, très, très multiples et totalement différents. Il y a un autre point qui est extrêmement intéressant au niveau des mécaniques, comprendre les mécaniques. À chaque fin de cycle, présentement, on va vous livrer un petit secret, là, que ne savent pas ça encore, là. Il y a l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de rein, l'âge de fer. Le fer, c'est maintenant. L'âge de fer porte un nom, sanskrit, Kali. Le mal, yuga, on va dire l'air du mal. Présentement, nous sommes dans l'âge de fer, de l'âge du fer, de fer. Fait que ça va faire, hein? C'est l'enfer, ça. Ouais. Les nazis, aidés par différentes sociétés secrètes, avaient comme pour fonction d'accélérer l'âge du mal, de détruire au maximum, d'amener le plus de mal possible sur la Terre, pour réduire le temps d'expression de l'âge du mal, pour amener au plus vite l'âge d'or. 13 800 années, approximativement, c'est un petit peu plus. Et la Bible parlera du millénium, mais la Bible toujours enseigné l'humilité, alors ils disent 1000 ans. Bon, Alors ici, il y en a ça. Présentement, nous sommes théoriquement dans l'âge de fer, et il arrive ceci. L'âge de fer, ce n'est pas 13 800 ans, ce n'est pas 45 et 50 000 ans ou 200 000 ans que tout ça se vit. Il y a sur la planète Terre des cycles de naissance, mortalité, de race. Première race, très, très, très élastique, c'est, ça se tenait dans des éprouvettes, il n'y en avait pas à l'époque, mais quand même. Hyperborée, le Canada, entre autres, le Groenland. Après ça, on a, bon, on a la Terre blanche, l'Hyperborée, la Lémurie, l'Atlantide, l'Europe, avec sa race blanche, qui est une race de blanche neuronique, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Mon chandail est blanc, mais pas moi. Nous approchons de la fin d'un cycle selon les estimations astrales, et nous approchons de la naissance d'une race neuve, la race bleue. Évidemment, ça ne sera pas bleu non plus au niveau de la peau. Et à chaque fin de cycle, tout ce qui a été, tout ce qui est dans l'astral disparaît, meurt, fout le camp, est digéré, anéanti. On prend des déserts, là, on prend l'énergie qui est dans l'astral, puis on fout ça en plante là-dedans. Bon, autrement dit, on fixe du carbone, puis on fixe de l'oxygène à l'échelle planétaire, puis on démolit l'astral. Dans la Bible, c'est dit à un moment donné que rendu vers l'Apocalypse, il y en a qui voudront trouver la mort, pourront pas la trouver. Pourquoi? Il y aura tellement plus de monde astral que celui qui va se suicider va se réincarner instantanément dans un autre, il n'y aura plus de place pour savoir en haut. Donc, il va rester vivant. Mais ce qui est à comprendre, c'est qu'à l'approche des fins de cycle, tout ce qui est ici va disparaître. Va rester vivant dans la conscience. Va disparaître, là. La seule façon de disparaître, ça veut dire que ça va devenir des plantes, ça va devenir de la roche, ça va devenir des crapauds. Qu'est-ce qui va devenir ça? L'astral. OK. Bon, la c'est mémoire. Produit par quoi, ça? Mais les corps physiques vont finir, là! Mais les corps physiques vont mourir quand même, là. Les corps physiques, il y en a qui vont mourir, il y en a qui ne mourront pas, parce que l'Apocalypse ne sera pas complet, parce que l'astral va être anéanti avant l'homme, ce qui va permettre à l'homme de survivre à l'astral. Les élus n'auront plus d'astral. Mais regarde ce qui arrive. Pour que l'astral ne meure pas et ne disparaisse pas, tout ce qui est dans l'astral présentement, de force, sinon de folie, essaie de pénétrer les physiques humains, donc de se réincarner massivement. C'est avant que ça meure, finalement. Ben avant que l'Apocalypse, enfin, ou etc. arrive. Avant qu'il disparaisse. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Amérindiens deviennent un peu plus violents, réincarnent les guerriers du passé. Ça veut dire que les musulmans grouillent à des places, réincarnent les guerriers du passé. Ça veut dire que continuellement, comme ça, ici, on va réincarner. Les Atlantes ont été réincarnés, il y a peut-être 25 ans. Et tout ça, ça s'en vient comme ça. Les Américains réincarnent les Romains d'époque. Les Québécois ont réincarné les Atlantes, ont réincarné les Allemands à l'époque du nazisme. Ça, c'est en train de se faire un peu. Puis on réincarne d'autres choses. Au niveau de l'expérience astralisée, ça ne veut pas dire qu'on va devenir comme les nazis. Là, on digère, on est nous autres aussi. Là. Alors, présentement, il faut donc comprendre qu'il va y avoir une recrudescence de vieilles religions, de vieux concepts, de modes rétro. C'est sûr que les gens en armure, ils n'ont pas trop parce que bon, ça se vend pas, là, mais on est capable d'avoir. Non, mais tu peux regarder les publicités, là, il y a de plus en plus, il y a des. Oui, avec des chevaliers. C'est normal. Bon. Puis, il y a au niveau des réincarnations égrégoriennes, des petits cycles réguliers, un cycle qui peut s'échelonner sur 20, sur 20 ans, sur 12 ans, sur 7 ans. Il y a des cycles. Par exemple, début du siècle, Montréal. N'était pas là. Et les gens étaient pauvres. Puis ça s'est tenu comme ça jusqu'à 1925, 29, 30, 32, 34, dépendamment des régions. Les gens étaient pauvres alors. Le père, lui, à un moment donné, ben, il était habillé tout croche. Puis quand il y avait un enfant, on l'habillait avec ce qu'on pouvait trouver. Puis quand il y avait un autre qui venait au monde, ben, quand son linge, lui, il faisait plus, on le donnait au petit qui était en dessous. Si c'était trop grand pour lui, ben écoute, mon grand, tu vas grandir. Il n'y a pas question qu'on fasse de recommandage là-dedans. Puis après ça, c'était l'autre qui l'avait, puis l'autre qui l'avait. Fait que lui, ici, il avait des pantalons déchirés, ses genoux, des fesses, un peu trop grands. Mais son chandail était pas chaud, t'as usé, il y a 3-4 chandails pour se couvrir. Des chandails trop grands, dépassaient les culottes. Il y avait. Voilà. Et aujourd'hui, les jeunes réincarnent, les jeunes pauvres de l'époque, mais vu qu'on a plus d'argent, ben ils vont s'habiller pareil en pauvre, mais une pauvreté de 125$ des souliers. Puis on va aller acheter des jeans déchirés, puis des rebelles lavés. Il lave ça avec de la roche, peine usée. Puis 3-4 chandails, puis c'est tout où tu croches. Moi, donc, je veux dire, ça, ma mère n'a pas voulu. Parce que ça, ce sont des petits cycles. On aura la même chose au niveau de la musique. Hé, que c'est beau! 2 ans après, hé, que c'est neuf, ou t'es pas aimé ça. 5 ans après, hé, que c'est beau! Même morceau musical. Puis là, on s'en va comme ça. La mode avec les jupes, les mini, les ça, pouf, on recommence. Là, on va dire, c'est parce que ceux qui font la mode veulent vendre du linge. Mais le peuple est-il épais? Non. Donc, c'est pas parce que ceux qui font de la mode vendent du linge différent qu'on se garoche là-dedans. Les gens font la mode puis essaient de suivre aussi ce que les gens demandent. Mais les gens étant reliés aux égrégores inconsciemment sans comprendre la mécanique, s'en vont comme ça puis ça bouge eux-mêmes, etc. Mais justement, au sujet de la mode, là, maintenant, on a de plus en plus de difficultés parce que les gens la suivent de moins en moins. Oui, parce que les gens sont de plus en plus pluralisés au niveau des mécaniques réincarnationnelles. Alors, les goûts varient de plus en plus rapidement au fur et à mesure de l'ingestion des mémoires, de l'expérience humaine, donc finalement de la descente de l'astral dans l'homme. Donc, c'est pas parce qu'ils ont plus de conscience, d'après ce que tu dis. Non, ils ont plus de dissonance. Ils savent moins quoi mettre. C'est sûr que si on regarde certaines parties du monde, il y a des personnes qui ont de plus en plus de conscience. C'est bien évident. Prenons un exemple. Comment faire en sorte pour obliger tout un peuple, au niveau des égrégores, par exemple, comment obliger tout un peuple à ne pas s'émanciper vers le neuf? Bien, cela donne tout un uniforme populaire. Ils devront tous mettre ça, à la même couleur, les mêmes affaires. Et pour être sûr que le peuple ne réincarnera rien de fort, de puissant, de chevaleresque, d'aristocrate, faudra que ce soit des pantalons modestes, toujours un peu trop courts, puis des souliers à peu près normal. Et puis, ouais, modeste, comme ça, là, ils s'en vont, comme ça, là. Puis, toute la même affaire. Fait que ça a 3 ans, c'est habillé comme l'autre, il y a 300 années, ils sont pareils. Puis, ce peuple-là, regardez, il y en a eu sur la planète, bien, regardez leur émancipation, il n'y en a pas. La seule émancipation possible a été l'ingestion de d'autres égrégores amenés par les ondes radio, les revues américaines, évidemment, les revues de Satan. Parce que Satan a l'atmosphère en maudit, ça, quand ça rentre dans ces pays-là. Alors, ça vient tout bousiller l'égrégore. Comment, dans la religion catholique, appelons-nous une mécanique céleste qui vient attaquer Dieu? Satan. Alors, nécessairement, quand on regarde les musulmans avec l'ingestion américaine, c'est Satan. Quand on regarde le communisme chinois ou le communisme soviétique pendant un grand moment donné, bien, parce qu'eux sont au-delà des religions d'ordre spirituel, ils sont dans des religions d'ordre matériel, bien, c'est la même chose, c'est l'ennemi juré à éliminer. Pourquoi? Parce qu'il vient fragmenter, sinon fracasser, l'égrégore du parti ou l'égrégore de ceci ou de cela. Est-ce que les religions représentent les égrégores les plus puissants sur la planète? Non, non, non. La matière, puis il y a un paquet dépendamment des religions, évidemment. Les religions font partie de ce qu'il y a de plus puissant, mais la matière est encore plus puissante que les religions. Mais la matière forme un égrégore, d'après ce que tu dis? La matière, absolument. D'ailleurs, la matière, c'est le support de l'égrégore. Mais quand je parle de matière, moi, c'est le plaisir qu'a l'humain de vouloir avoir de la matière. Donc, c'est qu'est-ce que l'humain vit par rapport à la matière? C'est ça, c'est un égrégore. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de lieu des égrégores, c'est-à-dire qu'il y a des égrégores qui sont fixes, qui suivent un pays, par exemple. Donc, ça veut dire que... Comme l'égrégore national parisien, mettons, oui. National. L'autre égrégore national français, ça suit la France au fur et à mesure de l'orbite planétaire. Donc, il y a des espaces astro. Il n'y a pas deux égrégores. Comment c'est fait, là? Parce que tu nous as parlé d'Anal Akashique, tu nous as parlé des mémoires des événements. Tu nous fais des petites boules, là, mais... Bon, ouais, bien, oui, c'est sûr, là. Je te montrerai ça en privé, à un moment donné, là, je prends un peu de temps. La Terre, vous savez tous que la Terre a une orbite. Ici c'est le pôle Nord. Et ici, le pôle Sud. Et puis, la Terre tourne comme ça. Hein? Bon. Alors, on tourne comme ça ici, vous savez tout ça. Puis, on a le Québec qui est à peu près ici, comme ça, au Nord, ici, les États-Unis, etc. Bon. Les égrégores qui sont géostationnaires à partir d'un pays, d'une contrée, sont attirés normalement par les blocs telluriques qui peuvent aussi migrer, comme le pôle nord magnétique migre sans arrêt le torieux. Hein? Chaque fois qu'on achète une carte, là, c'est écrit déviation, temps, il faut prendre sa boussole, il faut calculer ça. Évidemment qu'ils ne le font pas, c'est ceux qui perdent. Bon. Ça bouge. L'égrégore parisien bouge aussi, bouge lentement. L'égrégore, le plateau tellurique plutôt parisien bouge lentement. Le plateau parisien français bouge lentement. Cela veut dire que d'ici 2000 ans, Paris, ça n'existe plus, la France, ça n'existe plus, les États-Unis, ça n'existe plus, le Canada, ça n'existe plus. Tout le contexte planétaire, toute la vision géopolitique planétaire va totalement être modifiée. Pourquoi? Parce que les égrégores se promènent avec les contextes telluriques au niveau... Des égrégores qu'on appelle fixes. Ils sont fixes comme les étoiles. C'est-à-dire qu'ils sont fixes, ils bougent, mais pas assez vite. Est-ce que c'est ce qui fait qu'à travers toute l'histoire connue, en tout cas, là, que tu as eu des grandes civilisations, peut m'amener, tu as des apogées, ils disparaissent, puis remplacées par un autre? C'est-à-dire que la grande civilisation n'a jamais disparu, mais elle a changé de pays, elle a changé d'ethnie. Mais c'est ce qui fait que... Et nous, visuellement, on va dire, tiens, les Romains sont sur le cul maintenant, puis c'est le tour des Portugais d'être debout. Mm-hmm. Tiens, les Égyptiens s'en vont aux poubelles, puis maintenant, c'est le tour des Romains d'être debout. C'est que ce qui vivait l'apothéose déménage. Ça s'en vient au Québec. Et profitez-en, ça ne reste pas ici longtemps, une affaire comme 400-500 ans. Après ça, ça mais va... ça, ça marche à condition que tu sois dans l'astral. Si tu es conscient là-dedans, ça n'a pas d'influence sur l'individu. C'est sur bon, humain. Une chose qui est intéressante. Oui, mais ça peut juste avoir une influence. Ah, moi aussi, juste avant, j'avais d'autres choses. De... On continue à jaser, moi, je vais parler. Mais j'avais une autre question avant. Oui, avec ton tableau. Hein. Ben, je vais y aller. Tu parlais tout à l'heure, ça semblait négatif. On parle de, des réincarnations de 1900, aujourd'hui, les jeunes avec le linge et tout ça. Ben, c'est mais comparativement, au, mais c'est pas négatif, si on compare, je veux comprendre, là, c'est pas négatif comparativement à un peuple qui s'habille tout uniformément. Mais non. Mais c'est-à-dire qu'il faut s'attendre. C'est quoi, le... Moi, j'allais à l'école, à un moment donné, on avait toutes des cravates, des vestons, des beaux souliers de ville, on avait un uniforme. Là, il y a eu la grève majeure, on était 2500 élèves à Polyvalent, plus que la majorité des habitants des villages au Québec. Ils font ça même dans le système d'éducation. Et puis, on était 2500, la grosse grève, plus d'uniforme. Et quand le directeur a accepté, le lendemain matin, tout le monde est rentré en jeans, des culottes jeans, des chandails de jeans, des souliers et des choux. Tout le monde était pareil. Plus d'uniforme. Fait que finalement, avec leur casquette de bebel, ils sont totalement aussi uniformisés que le chinois ou le russe ou le chilien, ou etc. Bon, sauf que tu as plus de fragmentation d'égrégores dans la société, ce qui complexifie la société. Mais la différence, OK, c'est dans la liberté, finalement. Ils sont toutes pareilles, bon, mais ben, liberté, on a l'impression... La liberté d'être manipulé par l'autre ou par l'autre. Oui, sauf que c'est dans l'impression. Oui, mais c'est une impression. Ouais. C'est t'as pas le poids de... Dans tous les sens du mot, c'est une impression. Mais c'est, que je... c'est parce que si t'es... si t'es libre de t'habiller comme tu veux, même si t'es manipulé par les égrégores, par l'astral... ça a un bienfait au niveau d'émancipation de la conscience humaine. Oui. Mais la problématique de l'égrégorisation de l'homme, de la femme, de l'enfant et des jeunes, c'est une atteinte directe au niveau de l'ego, on va parler à la prochaine conférence, et l'égrégorisation de l'humain fait en sorte que l'intelligence de l'humain est coupée, puis le vrai être qui habite à côté de l'ego est enterré, sinon tué. Bon, quelle que soit la forme de l'égrégore qui va descendre chez l'humain, quand un être humain se perd au fil du temps, quand une personne vieillit dans sa conscience, dans ce qu'elle est, change complètement, etc., c'est nécessairement mauvais en ce qui concerne l'être humain lui-même. C'est-à-dire que c'est une insulte totale à l'être humain. C'est un viol. Puis on va en parler avec l'ego prochainement. On prend une pause.